Chapitre deuxième. Première conjuration. Ré et Richelieu. Dès que j'eus pris la résolution de me mettre à l'étude, j'ai pris aussi celle de reprendre les errements de monsieur le cardinal de Richelieu. Et quoique mes proches même s'y opposassent, dans l'opinion que cette matière n'était bonne que pour des pédants, je suivis mon dessein, j'entrepris la carrière, et je l'ouvris avec succès. Elle a été remplie depuis par toutes les personnes de qualité de la profession, mais comme je fus le premier depuis le cardinal de Richelieu, ma pensée lui plut, et cela, joint aux bons offices que monsieur le grand maître me rendait tous les jours auprès de lui, fit qu'il parla avantageusement de moi en deux ou trois occasions, qu'il témoigna un étonnement obligeant de ce que je ne lui avais jamais fait la cour, et qu'il ordonna même à monsieur de Lingendes, qui a été depuis l'évêque de Mâcon, de me mener chez lui. Voilà la source de ma première disgrâce, car au lieu de répondre à ses avances et aux insistances que monsieur le grand maître me fit pour m'y obliger, je ne les payais toutes que de très méchantes excuses. Je fis le malade, j'allais à la campagne. Enfin, j'en fis assez pour laisser voir que je ne voulais pas m'attacher à monsieur le cardinal de Richelieu, qui était un très grand homme, mais qui avait au souverain degré le faible de ne point mépriser les petites choses. Il le témoigna en ma personne, car l'histoire de la conjuration de Jean-Louis de Fiesque, que j'avais faite à 18 ans, ayant échappé, en ce temps-là, des mains de Lozière, à qui je l'avais confiée seulement pour la lire, et ayant été portée à monsieur le cardinal de Richelieu par Boisrobert, il dit tout haut, en présence du maréchal d'Estrées et de Sainte-Terre, « Voilà un dangereux esprit !» Le second le dit, dès le soir même, à mon père, et je me le tins comme dit à moi-même. Je continuai, par ma propre considération, la conduite que je n'avais prise jusque-là que par celle de la haine personnelle que madame de Guéméné avait contre monsieur le cardinal. Le succès que j'eus dans les actes de Sorbonne me donna du goût pour ce genre de réputation. Je la voulus pousser plus loin, et je m'imaginais que je pourrais réussir dans les sermons. On me conseillait de commencer par de petits couvents, où je m'accoutumerais peu à peu. Je fis tout le contraire. Je prêchai l'Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu, dans les petits carmélites, en présence de la reine et de toute la cour, et cette audace m'attira un second éloge de monsieur le cardinal de Richelieu. Car comme on lui dit que j'avais bien fait, il répondit « Il ne faut pas juger des choses par l'événement, c'est un téméraire. » J'étais, comme vous voyez, assez occupé pour un homme de 22 ans. Monsieur le comte de Soissons, qui avait pris une très grande amitié pour moi, et pour le service de la personne duquel j'avais pris un très grand attachement, partit de Paris, la nuit, pour aller se jeter dans Sedan, dans la crainte qu'il eût d'être arrêté. Il m'envoyait quérir sur les 10 heures du soir. Il me dit son dessein. Je le supplie avec instance qu'il me permît que j'eusse l'honneur de l'accompagner. Il me le défendit expressément, mais il me confia Van Brock, un joueur de lutte flamand, et qui était l'homme du monde à qui il se confiait le plus. Il me dit qu'il me le donnait en garde, que je le cachasse chez moi, et que je ne le laissasse sortir que la nuit. J'exécutai fort bien de ma part tout ce qui m'avait été ordonné, car je mis Van Brock dans une soupente, où il eût fallu être chat pour le trouver. Il ne fit pas si bien de son côté, car il fut découvert par le concierge de l'hôtel de Soissons, au moins à ce que j'ai toujours soupçonné. Et je fus bien étonné qu'un matin, à 6 heures, je vis ma chambre pleine de gens armés qui m'éveillèrent en jetant la porte dedans. Le prévôt de l'île s'avança et me dit en jurant « Où est Van Brock ?»« À Sedan, je crois, » lui répondis-je. Il redoubla ses jurements et il chercha dans la paillasse de tous les lits. Il menaça tous mes gens de la question. Aucun d'eux, à la réserve d'un seul, ne lui en eut pu dire des nouvelles. Ils ne s'avisèrent pas de la soupente, qui, dans la vérité, n'était pas reconnaissable, et ils sortirent très peu satisfaits. Vous pouvez croire qu'une note de cette nature se pouvait appeler pour moi, à l'égard de la cour, une nouvelle confusion. En voici une autre. La licence de Sorbonne expira. Il fut question de donner les lieux, c'est-à-dire de déclarer publiquement, au nom de tout le corps, lesquels ont le mieux fait dans leurs actes, et cette déclaration se fait avec de grandes cérémonies. J'eus la vanité de prétendre le premier lieu, et je ne crus pas le devoir céder à l'abbé de la Motte-Houdancourt, qui est présentement l'archevêque d'Auch, et sur lequel il est vrai que j'avais en quelques avantages dans les disputes. Monsieur le cardinal de Richelieu, qui faisait l'honneur à cet abbé de le reconnaître pour son parent, envoya en Sorbonne le grand prieur de la Porte, son oncle, pour le recommander. Je me conduisis, dans cette occasion, mieux qu'il n'appartenait à mon âge. Car aussitôt que je le sus, j'allais trouver M. de Raconis, évêque de Lavore, pour le prier de dire à M. le cardinal que, comme je savais le respect que je lui devais, je m'étais désisté de ma prétention aussitôt que j'avais appris qu'il y prenait part. Monsieur de Lavaur me vint trouver, dès le lendemain matin, pour me dire que monsieur le cardinal ne prétendait point que monsieur l'abbé de la Motte eût l'obligation du lieu à ma session, mais à son mérite auquel on ne pouvait le refuser. La réponse m'outra. Je ne répondis que par un sourire et une profonde révérence. Je suivis ma pointe et j'emportai le premier lieu de 84 voix. Monsieur le cardinal s'emporta jusqu'à la puérilité. Il menaça les députés de la Sorbonne de raser ce qu'il avait commencé d'y bâtir et il fit mon éloge, tout de nouveau, avec une aigreur incroyable. Toute ma famille s'épouvanta. Mon père et ma tante Magnolet qui se joignaient ensemble, la Sorbonne et Brambroc, monsieur le comte, mon frère, qui était parti la même nuit, madame de Guéménée, à laquelle il voyait bien que j'étais fort attaché, souhaitait avec passion de m'éloigner et de m'envoyer en Italie. Je demeurai donc à Venise jusqu'à la mi-août, et il ne tint pas à moi de m'y faire assassiner. Je m'amusais à vouloir dire galanterie à la signora Vandramena, noble vénitienne, et qui était une des personnes du monde des plus jolies. Le président Maillet, ambassadeur pour le roi, qui savait le péril qu'il y a en ce pays-là pour ces sortes d'aventures, me commanda d'en sortir. Je fis le tour de la Lombardie et je me rendis à Rome sur la fin de septembre. Monsieur le maréchal d'Estrées y était ambassadeur. Il me fit des leçons sur la manière dont je devais vivre, qui me persuadèrent. Et quoique je n'eusse aucun dessein d'être d'église, je me résolus d'acquérir à tout hasard de la réputation dans une cour ecclésiastique où l'on me verrait avec la soutane. J'exécutai fort bien ma résolution. Je ne laissai pas la moindre ombre de débauche ou de galanterie. Je fus modeste au dernier point dans mes habits, et cette modestie, qui paraissait dans ma personne, était relevée par une très grande dépense, par de belles livrées, par un équipage fort leste, et par une suite de 7 ou 8 gentilshommes, dont il y en avait 4 chevaliers de Malte. Je disputai dans les écoles de sapience, qui ne sont pas à beaucoup près si savantes que celles de Sorbonne, et la fortune contribua encore à me relever. Le prince de Schomberg, ambassadeur d'obédience de l'Empire, m'envoya dire un jour que je jouais au ballon dans les termes de l'empereur Antonin, de lui quitter la place, et je lui fis répondre qu'il n'y avait rien que je n'eusse rendu à son excellence si elle ne me l'eût demandé par civilité. Mais puisque c'était un ordre, j'étais obligé de lui dire que je n'en pouvais recevoir d'aucun ambassadeur que celui du roi mon maître. Comme il insista, et qu'il m'eût fait dire, pour la seconde fois, par le doyen de ses estafiers, de sortir du jeu, je me mis sur la défensive, et les Allemands, plus par mépris, à mon sens, du peu de gens que j'avais avec moi, que par autre considération, ne poussèrent pas l'affaire. Ce coup porté par un abbé tout modeste, un ambassadeur qui marchait toujours avec 100 mousquetaires à cheval, fit un grand éclat à Rome, et si grand que Rose, que vous voyez secrétaire du cabinet, et qui était ce jour-là dans le jeu du ballon, dit que feu monsieur le cardinal Mazarin en eut, dès ce jour-là, l'imagination saisie, et qu'il lui en a parlé depuis plusieurs fois. La santé de monsieur le cardinal de Richelieu commençait à s'affaiblir et à laisser par conséquent quelques vues de la possibilité de l'archevêché de Paris. Monsieur le comte, qui avait pris quelques teintures de dévotion dans la retraite de Sedan et qui sentait du scrupule de posséder, sous le nom de Custodinos, plus de 100 000 livres de rente en bénéfice, avait écrit à mon père qu'aussitôt qu'il serait en état de faire agréer à la cour sa démission en ma faveur, il me les remettrait entre les mains. Toutes ces considérations jointes ensemble ne me firent pas tout à fait perdre la résolution de quitter la soutane, mais elles la suspendirent. Elles firent plus. Elles me firent prendre celle de ne la quitter qu'à bonnes enseignes et par quelques grandes actions. Et comme je ne les voyais pas proches ni certaines, je me résolus de me signaler dans ma profession de toutes les manières. Je commençai par une très grande retraite. J'étudiais presque tout le jour. Je ne voyais que fort peu de monde. Je n'avais presque plus d'habitude avec toutes les femmes, hors avec madame de Guéménée. La Rochepot, mon cousin Germain et mon ami intime, était domestique de feu monsieur le duc d'Orléans et extrêmement dans sa confidence. Il haïssait cordialement monsieur le cardinal de Richelieu, et parce qu'il était fils de madame du Fargis, persécuté et mis en effigie par ce ministre, et parce que, tout de nouveau, monsieur le cardinal, qui tenait son père encore prisonnier à la Bastille, avait refusé l'agrément du régiment de Champagne pour lui à monsieur le maréchal de la Meilleraie, qui avait une estime particulière pour sa valeur. Vous pouvez croire que nous faisions souvent ensemble le panégyrique du cardinal et des invectives contre la faiblesse de monsieur qui, après avoir engagé monsieur le comte à sortir du royaume et à se retirer à Sedan, sous la parole qu'il lui donna de l'y venir joindre, était revenu de Blois honteusement à la cour. Comme j'étais aussi plein des sentiments que je vous viens de marquer, que la Rochepot l'était de ceux que l'état de sa maison et de sa personne lui devait donner, nous entrâmes aisément dans les mêmes pensées qui furent de nous servir de la faiblesse de monsieur pour exécuter ce que la hardiesse de ses domestiques fut sur le point de lui faire faire à Corbie, dont il faut, pour plus d'éclaircissement, vous entretenir un moment. Les ennemis étant entrés en Picardie, sous le commandement de monsieur le prince Thomas de Savoie et de Piccolomini, le roi y alla en personne, et y mena monsieur, son frère, pour général de son armée, et monsieur le comte pour lieutenant-général. Ils étaient l'un et l'autre très mal avec monsieur le cardinal de Richelieu, qui ne leur donna cet emploi que par la pure nécessité des affaires, et parce que les Espagnols, qui menaçaient le cœur du royaume, avaient déjà pris Corbie, la Capelle et le Catelet. Aussitôt qu'ils furent retirés dans les Pays-Bas, et que le roi eut repris Corbie, l'on ne douta point que l'on chercha les moyens de perdre monsieur le comte, qui avait donné beaucoup de jalousie au ministre par son courage, par sa civilité, par sa dépense, qui était intimement bien avec monsieur, et qui avait surtout commis le crime capital de refuser le mariage de monsieur d'Aiguillon. L'Espinet, mon trésor, la Rochepot, n'oubliaient rien pour donner à monsieur, par l'appréhension, le courage de se défaire du cardinal. Saint-Ibal, Varicarville, Bardouville et Beauregard, père de celui qui est à moi, le persuadèrent à monsieur le comte. La chose fut résolue, mais elle ne fut pas exécutée. Ils eurent le cardinal dans leurs mains à Amiens, et ils ne lui firent rien. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi. Je leur en ai ouï parler à tous, et chacun rejetait la faute sur son compagnon. Je ne sais, dans la vérité, ce qui en est. Ce qui est vrai est qu'aussitôt qu'ils furent à Paris, la frayeur les saisit. Monsieur le comte, que tout le monde convint avoir été le plus ferme des conjurés d'Amiens, se retira à Sedan, qui était en ce temps-là en souveraineté à monsieur de Bouillon. Monsieur alla à Blois, et monsieur de Ré, mon frère, qui n'était pas de l'entreprise d'Amiens, mais qui était fort attaché à monsieur le comte, partit la nuit en poste de Paris, et il se jeta dans Belle-Île. Le roi envoya à Blois monsieur le comte de Guiche, qui est présentement monsieur le maréchal de Gramont, et monsieur de Chavigny, secrétaire d'État et confidentissime du cardinal. Ils firent peur à monsieur, et le ramenèrent à Paris, où il avait encore plus de peur, car ceux qui étaient à lui dans sa maison, c'est-à-dire ceux de ses domestiques qui n'étaient pas gagnés par la cour, ne manquaient pas de le prendre par cet endroit, qui était son faible, pour l'obliger de penser à sa sûreté, ou plutôt à la leur. Ce fut de ce penchant où nous crûmes, la Rochepot et moi, que nous le pourrions précipiter dans nos pensées. L'expression est bien irrégulière, mais je n'en trouve point qui marque plus naturellement le caractère d'un esprit comme le sien. Il pensait tout, et il ne voulait rien. Et quand par hasard il voulait quelque chose, il fallait le pousser en même temps, ou plutôt le jeter, pour le lui faire exécuter. La Rochepot fit tous ses efforts possibles, et comme il vit que l'on ne répondait que par des remises, et par des impossibilités que l'on trouvait à tous les expédients qu'il proposait, il s'avisa d'un moyen qui était assurément hasardeux, mais qui, par un sort assez commun aux actions extraordinaires, l'était beaucoup moins qu'il ne le paraissait. Monsieur le cardinal de Richelieu devait tenir sur les fonds mademoiselle, qui, comme vous pouvez juger, était baptisée il y avait longtemps. Mais les cérémonies du baptême n'avaient pas été faites. Il devait venir pour cet effet au dôme où mademoiselle logeait, et le baptême se devait faire dans sa chapelle. La proposition de la Rochepot fut de continuer de faire voir à monsieur, à tous les moments du jour, la nécessité de se défaire du cardinal, de lui parler moins qu'à l'ordinaire du détail de l'action afin d'en moins hasarder le secret, de se contenter de l'en entretenir en général, et pour l'y accoutumer, et pour lui pouvoir dire en temps et lieu qu'on ne la lui avait point scellée, que l'on avait plusieurs expériences qu'il ne pouvait lui-même être servi qu'en cette manière, qu'il l'avait lui-même avoué maintes fois à lui, la Rochepot, qu'il n'y avait donc à s'associer de braves gens qui fussent capables d'une action déterminée, qu'à poster des relais, sous le prétexte d'un enlèvement sur le chemin de Sedan, qu'à exécuter la chose au nom de monsieur et en sa présence, dans la chapelle, le jour de la cérémonie, que monsieur l'avouerait de tout son cœur dès qu'elle serait exécutée, et que nous le mènerions de ce pas sur nos relais à Sedan, dans un intervalle où l'abattement des sous-ministres, joint à la joie que le roi aurait d'être délivré de son tyran, aurait laissé la cour en état de songer plutôt à le rechercher qu'à le poursuivre. Voilà la vue de la Rochepot, qui n'était nullement impraticable, et je le sentis par l'effet que la possibilité prochaine fit dans mon esprit, tout différent de celui que la simple spéculation y avait produit. J'avais blâmé, peut-être 100 fois, avec la Rochepeau, l'inaction de monsieur et celle de monsieur le comte à Amiens. Aussitôt que je me vis sur le point de l'exécution de la même action, dont j'avais réveillé moi-même l'idée dans l'esprit de la Rochepeau, je sentis je ne sais quoi qui pouvait être une peur. Je le pris pour un scrupule. Je ne sais si je me trompais, mais enfin, l'imagination d'un assassinat d'un prêtre, d'un cardinal, me vint à l'esprit. La Rochepeau se moqua de moi, et il me dit ses propres paroles. « Quand vous serez à la guerre, vous n'enlèverez point de quartier de peur d'y assassiner des gens endormis. » J'eus honte de ma réflexion. J'embrassai le crime qui me parut consacré par de grands exemples, justifié et honoré par le grand péril. Nous prîmes et nous concertâmes notre résolution. J'engageai dès le soir l'Aunois, que vous voyez à la cour, sous le nom de marquis de Pienne. La Rochepeau s'assura de La Frette, du marquis de Boissy, de l'Estourville, qu'il savait être attaché à monsieur et enragé contre le cardinal. Nous fîmes nos préparatifs. L'exécution était sûre, le péril était grand pour nous, mais nous pouvions raisonnablement espérer d'en sortir, parce que la garde de monsieur, qui était dans le logis, nous eût infailliblement soutenus contre celle du cardinal, qui ne pouvait être qu'à la porte. La fortune, plus forte que sa garde, le tira de ce pas. Il tomba malade, ou lui ou mademoiselle, je ne m'en souviens pas précisément. La cérémonie fut différée, il n'y eut point d'occasion. Monsieur s'en retourna à Blois, et le marquis de Boissy nous déclara qu'il ne nous découvrirait jamais, mais qu'il ne pouvait plus être de cette partie, parce qu'il venait de recevoir je ne sais quelle grâce de monsieur le cardinal. Je vous confesse que cette entreprise, qui nous eût comblé de gloire s'il nous eût réussi, ne m'a jamais plu. Je n'en ai pas même le scrupule que des deux fautes que je vous ai marquées ci-dessus d'avoir commises contre la morale. Mais je voudrais toutefois, de tout mon cœur, n'en avoir jamais été. L'ancienne Rome l'aurait estimé, mais ce n'est pas par cet endroit que j'estime l'ancienne Rome. Je ressens, avec tant de reconnaissance et avec tant de tendresse, la bonté que vous avez eue de vouloir bien être informé de mes actions, que je ne puis m'empêcher de vous rendre compte de toutes mes pensées, et je trouve un plaisir incroyable à les aller chercher dans le fond de mon âme, à vous les apporter et à vous les soumettre. Il y a assez souvent de la folie à conjurer, mais il n'y a rien de pareil pour faire les gens sages dans la suite, au moins pour quelque temps. Comme le péril, en ces sortes d'affaires, dure même après l'occasion, l'on est prudent et circonspect dans les moments qui la suivent.